Chapitre 3. Le cortège. Charles résolut de célébrer l'heureuse issue de cette expédition. Des joutes, des tournois s'organisèrent. Les héros d'armes furent envoyés au loin. Aussi arriva-t-il bientôt des chevaliers de toutes les provinces, les uns pour montrer leur courage et exercer leur force et adresse, les autres dans l'espoir de s'enrichir des dépouilles de leurs adversaires hors de combat. Le lieu choisi pour la joute était une plaine veloutée de verdure, située sur la lisière d'une forêt de chênes 5 fois centenaire. Un cadre de collines formait une sorte d'amphithéâtre. Au centre, un vaste emplacement, réservé aux combattants, avait été entouré de palissades. Deux entrées, une au nord et l'autre au midi, pouvaient donner passage à 10 cavaliers de front. Deux héros et 6 poursuivants d'armes gardaient chacune de ces portes. De nombreux détachements, dispersés çà et là, maintenaient le bon ordre, et cela non sans peine, car à côté du camp militaire, s'était formé un campement de bourgeois et de bourgeoises venus d'un peu partout. La discipline était là fort difficile à faire observer, et les coups de bâton pleuvaient sur les récalcitrants, d'autant plus drus qu'on était en pays conquis. Sur une plateforme, non loin de la porte du nord, s'élevaient 12 tentes magnifiques réservées aux 12 principaux chevaliers français tenants du tournoi. Des banderoles à leurs couleurs ou aux couleurs de leurs dames, agitées par le vent, se tordaient au soleil comme des serpents ailés. Chaque chevalier devant son pavillon avait fait suspendre son écusson que gardait un écuyer. Plus loin, des tentes moins riches servaient de demeure à plusieurs combattants que l'amitié ou le peu de fortune réunissait. Cet ensemble formait une ville bizarre qui avait jusqu'à des faubourgs composés d'écuries en planches, de logettes de toutes sortes habitées par les armuriers, maréchaux ferrants, chirurgiens et artisans dont la présence était indispensable. Les marchands étaient exempts de tout péage ou dîme. Aussi les Juifs étaient venus vendre aux femmes des bijoux de Venise et des parfums d'Orient. Les Bretons avaient apporté leur miel. Les Provençaux étalaient leurs fines huiles d'olive. Et tout autour de ces bonnes choses, on voyait rôder, pêle-mêle, les bateleurs, les troubadours, les ménestrels et autres pauvres bohèmes dont le nez est fin, mais l'escarcelle vide. Sur la lisière du bois s'élevait un pavillon plus magnifique que tous les autres. C'était celui de Charlemagne. Il était de drap d'or à larges bandes de pourpre parsemées d'aigles d'or, et si étincelant qu'il fallait avoir des yeux d'aiglon pour en supporter un instant l'éclat. Des chevaliers, des écuyers, des varlets, des pages allaient et venaient alentour, comme font dans la ruche les abeilles autour de leur reine. De chaque côté de la tente royale et tout le long de la lisière du bois, des estrades avaient été élevées pour les spectateurs de qualité qui promettaient d'être nombreux. Il en arrivait des nuées à chaque heure. Tant l'on était friand d'un semblable spectacle et surtout désireux de contempler Charlemagne, dont le nom commençait à retentir dans toute l'Europe. La loge royale, plus élevée que les autres et plus richement ornée, avait été dressée un peu en avant du pavillon. Charles avait voulu que la reine de beauté la partageât avec lui. Aussi était-elle gardée pour une moitié par les leudes les plus vaillants et pour l'autre par les filles les plus jolies. Ces deux cours faisaient leur service au milieu des éclats de rire qui ne cessaient de retentir. Enfin, Pour achever ce tableau, mes petits amis, représentez-vous, à mi-pente entre l'arène et la forêt, une chapelle gothique surmontée d'une gigantesque croix de fer. Là, chaque matin, Turpin, le bon et vaillant évêque de Reims, venait officier devant la multitude agenouillée. Le jour du tournoi arriva enfin. Il y eut depuis bien des passes d'armes, mais plus jamais on ne vit pareille affluence. Dès l'aube, toutes les places étaient déjà prises. Les vieux arbres étaient eux-mêmes plus chargés de curieux qu'un prunier de fruits en août. Et les bonnes gens eurent, ma foi, bien raison de se presser, car eussent-ils vécu chacun 10 existences, ils n'auraient rien revu de pareil. Il y eut force coups de pique donnés de côté et d'autre pour calmer la curieuse ardeur des plus enthousiastes, mais ces horions qui eussent été malvenus en toute autre circonstance, personne n'y prenait garde. Soudain, les fanfares font au loin retentir les airs. Une brillante avant-garde vient prendre place dans l'enceinte et Charlemagne entre dans l'arène avec une nombreuse escorte de chevaliers, de seigneurs, voire d'ecclésiastiques richement vêtus. L'enthousiasme ne connaît plus de bornes. « Montjoie, Montjoie !» crie-t-on de toutes parts. Charlemagne, qui devait plus tard affecter la simplicité la plus grande, a pour cette solennité revêtu de riches habits. Sa chemise est de fin lin, et les extrémités en sont rehaussées de broderies d'or. Sa tunique de soie lamée d'or est couverte de pierres précieuses, plus éblouissantes les unes que les autres, telles que émeraudes, topazes et rubis. Ses bracelets et sa ceinture ont été ciselés avec un art infini. Son aumônière pend à ses côtés, criblée de perles et de pierreries à éblouir un aveugle. Sa tête est ceinte d'un brillant diadème, sa figure resplendit d'un éclat inconnu. Il dépasse d'une coudée les plus grands d'entre ses ducs, comtes et barons. Son cheval, couvert d'or et de riches étoffes, semble fier du poids qu'il porte. La reine, franque d'origine, la belle Himiltrude, s'avance au milieu de ses suivantes. Son cou est teint de rose, comme autrefois celui des matrones romaines. Ses cheveux sont retenus par des bandelettes d'or et de pourpre serrées sur les tempes. Sa chlamyde par des agrafes de rubis. Son diadème, ses vêtements de pourpre, lui donnent une majesté à nul autre égale. C'est bien la femme de Charlemagne. Mais si la reine surpasse toutes les autres femmes par son air majestueux, Aude, la nièce de Gérard de Vienne, la sœur d'Olivier le Vaillant, la surpasse bien davantage par sa beauté, sa grâce et son charme. Elle porte une couronne très légère en poussière de pierreries de toutes les couleurs. Ses cheveux sont blonds, frisant naturellement en boucles fines. Ses yeux, bleus comme la mer au pays du soleil. Sa chair, rosée comme un calice de rose blanche. Ses mains, petites à merveille. En passant près de Roland, elle a pâli légèrement. Si elle eût été moins belle, je vous eusse parlé davantage de ses riches habits. Mais à quoi bon, nul ne les remarquait. C'était vraiment une grande audace qu'avait la reine de garder auprès d'elle une si charmante demoiselle d'honneur. Chacun, en voyant la belle Aude, se disait « La voilà, ou que je meure, celle qui sera reine de beauté. » Aude a près d'elle sa sœur Mita, aussi blonde qu'elle, mais brunie à ce soleil d'Espagne sous lequel elle a été élevée. Des yeux noirs et vifs, des lèvres épaisses, le nez fin et droit, des cheveux pendant en nattes emmêlées dans de longues rangées de perles et de diamants enfilés. Voilà son portrait en quelques mots. Son corsage est couvert de perles fines, on dirait une armure de nacre. Aussi, tous ceux qui la voient passer, admirant son air martial et sa riche cuirasse, lui donnent le surnom du « petit chevalier de nacre ». Derrière Aude et sa sœur suit un charmant essaim de jeunes filles, mais à peine les regarde-t-on. Viennent ensuite les pairs et les barons revêtus de leurs plus brillantes armures. Quel cliquetis d'or, de fer et d'acier! Que d'épées devenues célèbres! Chacun de ses bras puissants en vaut 10 sur le champ du tournoi, mais en bataille, il en vaut 1000. On s'explique à peine l'agilité de ces hommes sous ces formidables armures. Un bœuf de nos jours aurait peine à entraîner une seule. Le casque pesait 125 livres. Ils maniaient en se jouant leurs épées que nous soulevons à grand-peine. À la bataille d'Hastings, dit Robert Vasse, Taillefer faisait sauter la sienne comme si fût un bastonnet. Les chevaux étaient bien faits pour ces hommes, élevés dans les gras pâturages des bords du Rhin ou de la Bavière, de haute taille, d'encolure puissante, ils prenaient souvent leur part du combat, déchirant à belles dents les ennemis de leur maître. Une fois domptés, on les enveloppait de fer pour les abriter contre les javelots, les lances et les épées. Enfin paraît Roland, comte du Mans et sire de Blève, fils du duc Milon d'Aiglan et de Berthe, sœur de Charlemagne. On dirait une statue de fer et de marbre. Sa main droite brandit une lance qui pourrait aujourd'hui servir de mât à quelque frégate. Sa gauche repose sur sa fidèle épée, sur Durandal. Je ne saurais mieux le comparer qu'à l'archange Michel. Il a l'air à la fois redoutable et doux. Doit-on l'aimer? Doit-on le craindre? Il impose tellement qu'on s'étonne peu des miracles qu'il accomplit. Il semble de race surhumaine, et on lui verrait décrocher quelque étoile ou tirer par la queue quelque comète qu'on en serait à peine surpris. Il est de même taille que Charlemagne, mais plus distingué de forme et de démarche. Son visage ouvert provoque la confiance et inspire le respect. Lorsqu'il vous tend la main, on en est honoré comme d'une faveur royale et tout fier d'avoir subi ce contrôle d'honneur, on se sent plus assuré de son propre mérite. Roland monte veillantif, le seul cheval digne de lui. Tout auprès se tient Olivier, comte de Gênes, frère de la belle Aude. Il le cède à peine à Roland en force, en agilité et en belle grâce. À ses côtés brille son épée, haute claire. Il monte Ferrand d'Espagne, qui va droit à l'ennemi comme la flèche. Puis le duc Auger, Richard de Normandie, Thibaud de Reims, Guy de Bourgogne, Auger le Danois, le duc Nême de Bavière, Girard de Montdidier, Bernard, oncle de Charlemagne, Miton de Rennes, l'ami de Roland, Guillaume d'Orange au Cournet, dont le nom faisait trembler les mécréants, comme vous avez tous tremblé, mes petits, au nom de Croque-Mitaine. Et 1000 autres, sans oublier Turpin, le bon archevêque de Reims, si docte dans le conseil, si pieux à l'abbaye, si vaillant sur le champ de bataille. Turpin est armé en guerre, son chapelet et sa masse d'armes s'entrechoquent. La poignée de son arme renferme un os précieux de 5 clés. Il ne se sert pas d'épée, Dieu défendant de verser le sang. Il est vrai de dire que sa massue pèse 150 livres. Auprès de Charles, on voit encore Lupus, duc de Gascogne. Lupus qui a vendu son hôte et tous les siens, Lupus qui n'a pour rival en traîtrise que Ganelon. Oh, que vous les haïrez tous deux, mes enfants, si vous me lisez jusqu'au bout. Lupus se fait remarquer par son armure d'acier bruni, damasquinée d'argent. Ce sont les sarrasins d'Espagne qui la lui ont vendue. Il est plus rude aux gens en paix qu'en guerre, et la potence est son arme favorite. Moins redouté par ses ennemis que par ses sujets, il a plutôt assommé un homme d'un coup de poing que vous n'avez dit « Dieu vous bénisse ». Réputé pour son ingéniosité en matière de supplice, c'est lui qui le premier eut l'idée d'attacher les cordes mouillées autour des tempes de ses prisonniers pour leur faire sortir les yeux des orbites. Lui aussi qui les faisait coudre dans des peaux de bœufs fraîchement dépecées et exposer ensuite au soleil jusqu'à ce qu'en se resserrant, les peaux leur eussent brisé les os. Et ce qu'il y a d'affreux à dire, c'est que nul ne l'avait vu en colère. Il était froidement cruel, par vocation, par appétit. L'odeur du sang lui plaisait plus que l'encens ou la verveine. Charles lui parle à peine, il se contraint pour ne pas lui laisser voir combien il le méprise. Le comte Ganelon de Mayence n'était pas d'espèce aussi basse. Sa bravoure, du moins, était extrême. Il savait être de bons conseils, et si la jalousie que lui inspirait Roland ne l'avait poussé à mal, c'eût été un des plus vaillants suivants de Charlemagne. Cherchant toujours la solitude, taciturne, farouche même, impie, ne croyant à aucun grand sentiment, tel était Gan au moral. Ai-je besoin de vous dire qu'il n'avait pas d'amis? Sa taille était à peine de 6 pieds et demi. Aussi en voulait-il à tous ceux qui le dépassaient, ne fût-ce que d'une ligne. Ses yeux brillaient à l'ombre de ses cheveux roux, comme ceux d'un caniche enragé. Il aimait l'or pour l'entasser et affectait une grande pauvreté. On eût dit un des Huns d'Attila plutôt qu'un des paladins de la cour de Charlemagne. Ganelon ne pouvait pas pardonner à Roland de lui avoir rendu plusieurs fois service. La supériorité du neveu de Charlemagne l'écrasait. « Il y a là de quoi vous surprendre, mes enfants. » Mais il n'est que trop vrai que, pour les âmes viles, la reconnaissance est lourde et importune. Il faut que je vous fasse connaître un des griefs du comte de Mayence.